recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Il avait beaucoup d'allure et il frappait au premier abord par un étonnant visage où on retrouvait le masque du Grand Condé et, par son teint bistré, ses cheveux très noirs, son allure mince et nerveuse, exactement un grand seigneur du Gréco. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, nos auditeurs le savent, nous avons le goût dans cette émission de nous reporter de proche en proche dans le passé vers tel ou tel auteur naguère prestigieux que la postérité, loin d'en entretenir le rayonnement, a rejeté loin des étagères des libraires et des tables de chevet, et qui, sauf exception, ne connaît plus guère de lecteurs. Cela est en contraste avec leur majestueuse célébrité de jadis. Il s'agit de s'interroger sur les explications de cette entrée en purgatoire, et plus encore de considérer ce que, en dépit de cet effacement, ces écrivains peuvent avoir encore à nous dire. Il s'agit d'entendre les échos méconnus qui relient leur époque à la nôtre. Que Maurice Barrès, ait sa place dans la collection de ces personnages majeurs que la poussière recouvre, voilà bien ce qu'on ne peut guère discuter. Tant fut éclatante sa gloire à la fin du XIXe siècle et dans le premier quart du XXe siècle, tant est faible sa notoriété parmi les générations d'aujourd'hui. On essaye bien de le rééditer de temps en temps, mais c'est surtout l'occasion de provoquer quelques articles littéraires sur les raisons mêmes de son éclipse. Mais le silence, en dépit de quelques essais biographiques de bonne facture, retombe vite sur la mémoire et sur l'œuvre de Maurice Barrès, sur ce qu'elle peut avoir encore à nous dire. Michel Lémarie, maître de conférence à l'université de Lille 3, à la fois littéraire et historien, s'attache à reprendre le dossier à nouveau frais. À mi-chemin de l'aboutissement de son projet, je l'ai donc convié à venir faire le point à ce micro, ce matin, sur le cas spécifique d'une aura disparue. Et en forme d'ouverture, voici François Mauriac, interviewé par Pierre Dumayet, en mai 1959. Oh, mon admiration pour Barrès, elle est assez difficile à expliquer. Un garçon de votre âge, les jeunes gens d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'était Barrès pour nous. C'était d'abord comme écrivain, il n'était pas discuté en ce temps-là. Et alors, évidemment, il était le grand homme de lettres. Et il avait un style de vie que nous admirions, que nous, les bourgeois, nous admirions, n'est-ce pas? Il faut se souvenir que j'étais un petit provincial. Que jusqu'à 21 ans, je vivais dans ma famille à Bordeaux. Vous savez, Bordeaux, dans une famille bourgeoise catholique, entre 1905 et 1910, c'était pas rigolo, vous savez, c'était sérieux. Et Barrès, comme d'ailleurs Gide, dès que je l'ai découvert, Barrès, avec Sous l'œil des barbares, qui est un livre qu'on ne lit plus, mais Sous l'œil des barbares a été pour moi une révélation. Exactement comme les nourritures terrestres de Gide, 3 ou 4 ans après, vous comprenez. C'était une fenêtre ouverte. Et quand je suis arrivé à Paris, le type de l'homme de lettres, enfin du grand homme de lettres, du maître, c'était Barrès. Ça peut vous paraître étonnant, qui était un monsieur. Et alors, justement, c'est le type, si vous voulez, d'écrivain vers lequel je me suis dirigé, ou qui m'a influencé, c'était certainement ce type d'écrivain-là. C'était un extrait de l'émission fameuse en son temps de Pierre Dumayet et Pierre Desgroupes, Lecture pour tous. François Mauriac, interviewé par Pierre Dumayet, le 6 mai 1959. Je l'ai choisie parce qu'elle me paraît poser déjà assez clairement la question de la complexité de la postérité ou de la non-postérité de Maurice Barrès. C'est Mona Ozouf qui écrit un jour de lui, il n'est jamais là où on l'attend. Peut-être ceci explique-t-il cela. La phrase de Mona Ozouf est tout à fait juste, oui. Barrès n'est jamais là où on l'attend parce que Barrès, c'est en fait beaucoup plus complexe que l'image à laquelle on le réduit. Parce que quelle est l'image de Barrès aujourd'hui? C'est l'antidreyfusard, l'antisémite. On le confond quelquefois avec Maurras, on confond la terre et les morts avec le nationalisme intégral. C'est l'homme de l'enracinement. C'est l'homme de l'enracinement, il est déraciné. On retient aussi, et parce que c'est passé là, à la postérité, la formule, ou l'opposition plus exactement, entre les héritiers et les boursiers. Les héritiers, ce sont des gens d'ailleurs comme Barrès, qui bénéficient d'un capital social, alors que les boursiers, c'est, pour prendre un exemple chez Barrès même, c'est le professeur de philosophie qu'il a eu à Nancy, et qui va devenir transformé, caricaturé, le bouteiller des déracinés. Qui est en fait un professeur qui est devenu député radical, significativement. Burdeau, effectivement, est devenu radical. Barrès, dans les déracinés, fait de lui un opportuniste qui quitte et abandonne ses étudiants de Nancy, qui va devenir un opportuniste spécialiste des questions de finances et un des hommes qui va jouer un rôle en coulisses dans l'affaire de Panama. Héritier, dites-vous, de Barrès, il est héritier de quelle famille? D'où vient-il? Il est né le 16 août 1862 à Charmes, Charmes-sur-Moselle, famille bourgeoise. Dans les Vosges. Mère lorraine, père auvergnat. Sa petite enfance est heureuse. Il a connu, en 1870, l'occupation de Charmes par les Allemands. Il a vu le pharmacien abattu, par exemple, le pharmacien de la ville abattu par les Allemands. La maison et familiale est occupée par Bavarois. Impression évidemment indélébile. Le grand-père est pris en otage. Et puis après, il va mener, dit-il, une vie de ménagerie au collège de la Malgrange, puis au lycée de Nancy, où il passe, dit-il, 9 années d'emprisonnement. Il est appelé le corbeau par ses camarades. C'est là, donc, dans la classe de philosophie au lycée de Nancy, qu'il à Burdeau pour enseignant, et c'est là aussi qu'il rencontre Stanislas de Guetta, Léon Sorgue, Théodore de Viseva un peu plus tard, qui exerce sur lui une très grande influence et qui surtout vont lui faire connaître des auteurs qui ne sont pas encore classiques. C'est un écrivain qui émerge assez vite dans le milieu parisien une fois qu'il a rejoint la capitale. Alors, lui-même se déracine, c'est-à-dire qu'il vient à Paris en 1882. C'est paradoxal, étant donné la célébrité de son livre qui s'appelle « Les Déracinés » ou... Précisément. Il est timide, il est isolé au début, il est sceptique, il est mélancolique, ça c'est une très caractéristique de Barrès. Il exprime aussi cette mélancolie fin de siècle. Il a le sentiment du néant. François Mauriac, qui introduisait notre discussion, disait qu'il avait le goût de cendre dans la bouche. Peut-être faut-il noter qu'il est licencié en droit, c'est un journaliste, c'est un écrivain, mais c'est pas un universitaire, comme le seront beaucoup de nationalistes. Alors le voilà maintenant très vite installé dans le monde parisien, acquérant la considération du milieu et installant une figure assez original. Je voudrais le camper d'entrée de jeu, Michel Lémarie. Tout à fait. C'est un homme, effectivement, que l'on voit d'ailleurs réservé, assez hautain. On pense à plusieurs de ses portraits. Accueillant en même temps pour les jeunes gens. Et il est accueillant même pour les jeunes, parce qu'il va accueillir chez lui très vite, quelques années plus tard, par exemple André Gide. Une anecdote à ce propos. André Gide vient de publier le traité du Narcisse. Et, pensant lui faire plaisir, Barrès fait mettre sur la table de la salle à manger un bouquet de narcisses. Quelle délicatesse! Gide est extrêmement gêné. Il feint de ne pas avoir vu le bouquet de narcisses qui était en quelque sorte un hommage au talent naissant de Gide. Au lieu de mettre, dit-il après coup, une des fleurs à sa boutonnière. Alors, il y a en effet une tradition à l'époque qui s'affirme, c'est la visite au grand écrivain. Olivier Nora, naguère, en avait fait... Il a fait un article à ce propos dans les lieux de mémoire de Pierre Nora. Monterland aussi vient le voir. De même que Barrès était allé voir Renan. Ah, Barrès n'a pas vu Renan, en fait. Ah non, bon. Il ne l'a vu qu'avec que quelques minutes sur le pas de sa porte en Bretagne, mais il en a tiré un ouvrage impertinent, 8 jours, chez Monsieur Renan. Pourtant, Renan, c'est une de ses grandes influences. C'est un des hommes qui ont compté pour lui. Les deux portraits qu'il a sur son bureau lorsqu'il est installé boulevard Maillot, actuel boulevard Maurice Barrès, ce sont les photos de Renan. À Neuilly. À Neuilly. De Renan et de Taine. Et le Taine qui écrivait, ce jeune monsieur Barrès n'arrivera jamais à rien, car il est sollicité par deux tendances absolument inconciliables, le goût de la méditation et le goût de l'action. Et c'est à la rencontre de ces deux tendances, qui peuvent devenir positives, dont le commerce peut devenir positif, qu'on peut définir le jeune Barrès affirmant son autorité dans les milieux littéraires parisiens à la fin du 19e siècle. C'est bien ça? Oui, il faut dire aussi que dans cette période, il suit les cours de Jules Souris à l'école des hautes études et il commence à entrer en relation également avec Édouard Drumont, l'antisémite. Souris aussi est assez sulfureux. Il prône notamment, il dit avoir trouvé une des clés qui est l'hérédité, le thème de l'hérédité, le thème qui va être bien évidemment très important chez Barrès ultérieurement. Comment évoluent dans ces années-là les idées de Barrès? Comment se définit sa sensibilité? Dès ce moment-là, il donne le sentiment de chercher l'enracinement et en même temps, c'est un écrivain voyageur qui, pour cette époque, affirme le prix d'une civilisation non pas nationale mais européenne. Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que Barrès est un Lorrain, c'est un homme de la frontière, un prince lorrain. Mais sa Lorraine, elle est construite. Parce qu'en fait, il a quitté la Lorraine assez vite et sa Lorraine est limitée. Mais c'est un cosmopolite et c'est un grand voyageur. Il y a deux cosmopolitismes chez Barrès. Il y a un premier cosmopolitisme qui est le cosmopolitisme d'admiration positive vers l'Allemagne. L'Allemagne, c'est à la fois une tentation et un ennemi. Et là, il lit dans ces années précisément Herder, Hartmann, Fichte, Schopenhauer, Nietzsche. Il aime beaucoup Wagner. Il va à Bayreuth avec Gémil Gallet, le maître verrier lorrain. Il parle encore du monde civilisé comme d'un musée admirable appartenant à tous les hommes et dont, dit-il, l'Allemagne forme une des salles les plus intéressantes. Exactement. Exactement. Cet aspect est assez peu connu, peut-être, aujourd'hui, de cet aspect de Barrès. Nous avons des pères intellectuels dans tous les pays, dit-il, par exemple, en 1884. Cette société cosmopolite, il faut l'aimer. Et il y a notamment aussi ce texte, La querelle des nationalistes et des cosmopolites. Et il écrit dans le Figaro du 4 juillet 92, l'intelligence hospitalière, c'est une grande vertu intellectuelle. Les littératures étrangères nous donnent ces curiosités de bouche, si nécessaires à des lettrés français, fatigués de la table nationale, trop bien servis. Vive la France, elle est parfaite, mais surtout, vive l'Europe. Elle a pour nous ce mérite d'être un peu inédite, elle nous réveille par des poivres et des épices nouveaux, nos maîtres français sont des épiciers dont nous avons épuisé la boutique. Alors là, on le trouve comme une sorte d'ancêtre de notre Union européenne et non pas comme on a le sentiment général pour ceux qui portent sa réputation jusqu'aujourd'hui comme une sorte de chantre de l'enracinement d'un nationalisme hostile à l'étranger. Oui, et même c'est un cosmopolite parce qu'il voyage beaucoup. Il voyage en Italie, en Allemagne, en Angleterre. En Espagne. En Espagne, bien sûr, on pense au Gréco plus tard. Et ces voyages sont des voyages de formation personnelle, mais c'est des voyages également esthétiques et politiques. L'Italie, pour lui, c'est, dit-il, la grande maîtresse. Venise, c'est à Venise que j'ai décidé toute ma vie. Et il fait voyager d'ailleurs ses personnages, les personnages de ses romans dans différents pays. Et puis, il y a ce qui sera toujours sa tentation, n'est-ce pas, c'est l'Orient. Blum, en 1928, il résume bien les choses. Il a prêché l'enracinement provincial, mais de Paris. Son village de Lorraine n'a jamais été pour lui qu'un lieu de villégiature. En fait, ce grand écrivain français présente tous les caractères du cosmopolite ou même de l'exotique. Et c'est cosmopolitisme qui apparaît à nos yeux comme une forme de curiosité de l'autre, d'intérêt pour l'autre, de refus du refus de l'autre, se mêle à des sentiments qui nous apparaissent plus négatifs. Tout à fait, l'étranger devient une menace, on le voit par exemple, il y a deux enquêtes franco-allemandes. l'une en 1895, l'autre en 1902. Dans la première, Barrès prône l'échange des idées, la pénétration ininterrompue des idées, et dans la seconde, il condamne absolument l'Allemagne, il blâme la déformation de l'intelligence française par les Allemands. Alors comment expliquer cette évolution? Il faut faire sa place au boulangisme et naturellement à l'affaire Dreyfus. Barrès est un homme donc qui est le prince de la jeunesse, selon le mot de son ami Paul Adam dans ses milieux littéraires. Une définition acceptée assez largement. Assez largement, oui, oui. Il est reconnu comme tel parce qu'il a une notoriété très rapide, une notoriété littéraire. Et il devient ce dilettante, cet ambitieux qui réussit, vient tard au boulangisme. Barrès devient boulangiste en avril-mai 1888, donne plusieurs articles sur Boulanger et la jeune génération, sur la jeunesse boulangiste, et cette expérience, il va la tenter parce que c'est une expérience qui va le faire sortir de son moi, qui constitue la trilogie des premiers livres du culte du moi. Et il va donc mener campagne, lui qui était très éloigné de ses préoccupations politiques, il va mener campagne parce que, comme il le dit, je trouve que l'histoire ne marche pas assez vite et que je voudrais voir encore une révolution avant de mourir. Alors il va se présenter sous l'étiquette boulangiste avec un programme nationalisme, protectionnisme, socialiste. En Lorraine ? En Lorraine, à Nancy, dans la troisième circonscription. Et il est élu, premier mandat, 1889 et 1893. Il faut souligner ici qu'il est élu parce qu'il bénéficie de subsides. Le journal qu'il monte à ce moment-là, le Courrier de l'Est, est payé en fait par le parti boulangiste avec en arrière-plan le prince de Polignac. Barrès reçoit des monarchistes de l'argent, il signe un reçu et Barrès est à nous. Disent-ils. En acceptant l'argent royaliste, il se lie et le directeur de l'Est républicain qui a eu vent de ce cadeau va être provoqué en duel par Barrès. Les preuves ne viendront que bien plus tard dans les archives. Cela dit, il arrive un événement majeur qui est évidemment l'affaire Dreyfus, important du point de vue de l'attitude de Barrès. Et pour s'en persuader, il suffit de lire le récit que Barrès fait de la dégradation de Dreyfus. C'est un extrait des Scènes et doctrines du nationalisme qui remonte à 1902. Il est ici lu par Jean Topard dans l'analyse spectrale de l'Occident de Pierre Cipriot le 2 décembre 1967. Quand 9 heures sonnèrent, que le général tira son épée, que les commandements éclatèrent, que les fantassins portèrent les armes et que les cavaliers mirent sabre au clair, le petit peloton se détacha d'un angle de l'immense carré. 4 hommes, au milieu le traître, tout raide. Sur un côté, l'exécuteur, véritable géant. Les 5 à 6 000 personnes présentes et qu'émouvait cette tragique attente eurent une même pensée, Judas marche trop bien. Dans ce désert, il allait d'un pas ferme, la mâchoire haute, le corps tout d'une pièce, la main gauche sur la poignée du sabre, la droite balancée. Son chien eût-il léché ses mains-là? Par une ligne diagonale, ce groupe sinistre arriva jusqu'à 4 pas du général figé sur son cheval pour s'arrêter brusquement. Les 4 artilleurs reculèrent, le greffier parla. La silhouette rigide ne broncha point, sinon pour lever un bras et jeter un cri d'innocence, tandis que l'adjudant de la garde, terrible par sa taille et magnifique de tenue, le dépouillait si vite et si lentement de ses boutons, de ses galons, de ses épaulettes, de ses bandes rouges, le tiraillait, le dépiautait, l'endeuillait. Le plus terrible fut quand, sur le genou, il brisa le sabre. Après quelques secondes, et quand il demeura déshonoré et désarmé, les poussées instinctives de la foule réclamèrent avec plus de fureur qu'on tuât ce bonhomme doré devenu un bonhomme noir. Mais la loi le protégeait pour lui faire subir des outrages réglementaires. Judas, jusqu'à cette heure, avait été un petit point immobile, battu par tous ces vents de haine. Maintenant, comme un pilori qui marche, il doit être approché des regards de tous. Il défile. La muraille militaire dont il fait le tour contient ses rages, mais semble prête à crever de fureur. À chaque instant, je crois qu'un sabre se lèvera. La foule, sur les grilles, sur les toits, réclame toujours sa mort. Quand il s'avance vers nous, le képi enfoncé sur le front, le lorgnon sur son nez ethnique, l'œil furieux et sec, toute la face dure et qui bravait, Il s'écria, que dis-je, il ordonna d'une voix insupportable, « Vous direz à la France entière que je suis un innocent. » Judas, traître. C'est impressionnant ce texte, il exude, quand on l'entend rétrospectivement, quelque chose comme une haine contre la judéité de Dreyfus, son nez ethnique. C'est, à nos yeux d'aujourd'hui, le pire moment de Barrès. Oui, c'est le pire moment de Barrès, mais si l'on peut dire qu'il n'a pas commencé avec l'affaire Dreyfus, puisque la campagne de Nancy, où Barrès est victorieux, se fait d'abord avec l'antisémitisme comme opérateur politique qui permet de rassembler des gens extrêmement divers, et de façon plus générale avec la xénophobie, le racisme. Et quand il est directeur d'un journal, La Cocarde, en 1894-95, qu'il écrit cet article précisément, La parade de Judas, et cette dégradation, c'est l'exclusion d'un officier de l'armée, mais c'est aussi l'exclusion d'un juif de la société. Et à ce moment-là, Barrès choisit le mensonge contre la vérité. Pour lui rendre justice, il faut dire qu'il évoluera. On peut dès à présent évoquer son grand livre final, des dernières années après la guerre, qui s'appelle « Les diverses familles spirituelles de la France ». C'est un de ceux qu'on réédite le plus souvent. Actuellement, une réédition de Pierre Milza, une toute récente de Jean-Pierre Rioux dans la collection Biblis CNRS Édition. Il intègre en revanche, mais la guerre de 14-18 est passée par là, il intègre la tradition juive dans la richesse de la France diverse. Apparaît, après l'affaire Dreyfus, un autre Barrès, qui est sensible déjà dans la grande pitié des églises de France, où il essaye, pour préserver les églises qui sont en voie de destruction ou d'écroulement, il fait appel à des personnalités politiques, culturelles, qui viennent de différents milieux. Il mène campagne par voie de presse, par des discours. Même chose pour les diverses familles spirituelles de la France, qui est publié en 1917, où là apparaît véritablement un autre Barrès. Beaucoup d'Israélites fixés parmi nous depuis des générations et des siècles sont membres naturels du corps national. Changement, n'est-ce pas? Et puis, les Israélites nouvellement venus, leur patriotisme est tout spirituel, acte de volonté, décision, choix de l'esprit, ils préfèrent la France, la patrie leur apparaît comme une association librement consentie. Là, on est plus proche du Renan de Qu'est-ce qu'une nation que des écrits de Barrès au pire moment de son antisémitisme. On connaît chez Renan Qu'est-ce qu'une nation. La nation, c'est à la fois un héritage, c'est un projet. Un plébiscite permanent. Un plébiscite permanent, un plébiscite de tous les jours. Barrès ne retient plus que la première partie de la proposition de Renan, c'est-à-dire c'est simplement un héritage. Et donc, si l'on n'est pas dans cet héritage, dans cette tradition, on n'est pas dans la société, on n'est pas membre du corps social. Donc, ce que Barrès refuse, en fait, c'est le contrat social, c'est-à-dire toute cette filiation qui va de Rousseau à l'abbé Sieyès. Au contraire, il s'inscrit dans la tradition qui va de Louis de Bonald, Joseph de Maistre, Le Play. Contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire, traditionnaliste. Même si, en fait, il est quand même moins hostile à la Révolution française que ce ne peut être le fait de Charles Maurras. Peut-être est-il temps de dire un mot de ses relations avec Charles Maurras et l'Action française. On les a souvent assimilés d'une manière trop rigide. Les choses sont plus compliquées. J'aimerais, Michel Desmarets, que vous nous donniez à comprendre ce type de commerce qu'ont entretenu ensemble Maurras et Barrès. Donc l'affaire Dreyfus, ses positions et ses mots terribles, que Dreyfus est coupable, je le conclus de sa race par exemple, coupe Barrès de son lectorat. Barrès a entretien avec Maurras des liens depuis très longtemps. Tous les deux sont des écrivains, des journalistes, ils sont venus à la politique par les lettres. L'un du Midi, Maurras, de la Provence, et l'autre de la Lorraine, bon. Barrès. Barrès, c'est un catholique du dehors, ils ont des désaccords sur le romantisme et le classicisme, mais la différence essentielle, c'est que Barrès a un nationalisme sentimental, alors que le nationalisme de Maurras est cérébral. Et comme le dit Thibaudet, Maurras maçonne dur. Maurras maçonne dur, ce qui n'est pas le cas de Barrès. Barrès qui est attaché à la forme du régime, sans pour autant mettre en avant, si ce n'est dans les diverses familles spirituelles de la France, les notions de les valeurs d'égalité et de fraternité. Quand il va marquer ses distances avec Maurras, il est déjà très loin du nationalisme ouvert. Mais la différence avec Maurras, c'est que Barrès dit ne pas dater d'un siècle l'histoire de France, et il prend en compte les périodes les plus récentes, depuis la Révolution française, ce que Maurras, bien sûr, ne peut accepter. Et puis Barrès ne veut pas être enrôlé. Il ne veut pas être enrôlé par Maurras, qui a mis la main sur le groupe de l'Action française. Il y a une véritable entreprise de captation. Il va refuser, d'ailleurs, quand il y aura une deuxième tentative de le faire venir, pour un moment, en 1921, juste après la Première Guerre mondiale, quand est créée la Revue universelle, il va refuser également d'être enrôlé à ce moment-là. Je n'ai pas envie de faire une manifestation collective littéraire. Je vous applaudis, mais je reste au dehors. Il y a quand même aussi ce caractère chez Barrès d'indépendance, préserver son moi, qui est constante. Alors voici précisément une lettre de Maurice Barrès à Charles Maurras, qui remonte à août 1900, et qui exprime bien la nature de leur divergence, notamment sur la question de la nature du régime et de la pérennité éventuelle du système républicain. C'est une lecture par René Clermont qui remonte au 11 janvier 1971. C'est tiré de l'émission « Un livre, des voix » de Pierre Cipriou. Je comprends très bien qu'une intelligence jugeant in abstracto adopte le système monarchique qui a constitué le territoire français et que justifie encore, tout près de nous, les Bonald, les Balzac, les Le Play, le Renan d'un beau livre, les Bourget et, laissez-moi le dire, un Charles Maurras. De telles adhésions sont d'un grand poids dans le cabinet du théoricien. Mais dans l'ordre des faits, pour que la monarchie vaille, il faudrait qu'il se trouvât en France une famille ralliant sur son nom la majorité, sinon la totalité, la grande majorité des électeurs. Or, voilà qui n'existe pas. Et non seulement cette famille nous manque, cette famille que possède l'Allemagne, la Russie, et à laquelle ces pays se rallient par une adhésion instinctive, en quelque sorte pieuse, mais plus encore, vous manquez d'une aristocratie, corps indispensable, n'est-ce pas, à votre monarchie traditionnelle. Au moins, le comte de Chambord, le comte de Paris, le duc d'Orléans font-ils voir, loin du trône, un sens historique de leur fonction que n'avait plus Louis XV, ni surtout Louis XVI, mais l'aristocratie. Ces nobles qui, dans la nuit du 4 août, ont presque comiquement annulé leur pouvoir, que reste-t-il d'eux? Voyez, ils ne savent même point se purger des rastaquaires qui leur donnent peu à peu les plus ignobles couleurs. Je ne date pas d'un siècle l'histoire de France, mais je ne puis non plus méconnaître ces périodes les plus récentes. Elles ont disposé nos concitoyens de telle sorte qu'ils réservent pour le principe républicain ces puissances de sentiments que d'autres nations accordent au principe d'hérédité et sans lesquelles un gouvernement ne peut subsister. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. L'opposition, Michel Lemarié, entre le principe républicain et le principe d'hérédité est ici très claire. Alors que Maurras voit un coup de hache dans la Révolution, réactionnaire au sens propre, comme les contre-révolutionnaires, Barrès, au contraire, s'inscrit dans une lignée de celui qui a été une de ses premières admirations, je veux dire Michelet. On est près de ce que Lavis, dans ses manuels scolaires, traduit, c'est-à-dire qu'il y a une continuité de la France et que la République peut être l'incarnation actuelle en face des rastaquaires, des princes héritiers, de cette grandeur et de cette spécificité française. Tout à fait, il est dans une tradition qui prend en compte l'ensemble de l'histoire de France. Pour lui aussi, l'histoire est une personne. Il prend en compte la Révolution française, il prend en compte, bien évidemment, l'épopée napoléonienne et toute l'histoire de France, ce qui n'est pas le cas de Maurras. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il a aimé être parlementaire, puisqu'après avoir été battu en 1893, il va se faire réélire, cette fois à Paris, comme député nationaliste et qu'il a constamment, notamment dans ses cahiers qu'on a publiés après sa mort, il rend compte de ce qu'a été l'atmosphère parlementaire avec un mélange de distance et d'intérêt d'observateur, presque de dramaturge. Il y a un petit livre de lui qui est significatif, un peu oublié, qui s'appelle « Dans le cloaque », qui date de 1914 et qui rend compte d'une commission qui avait été formée sous la présidence de Jaurès à propos d'une histoire d'escroquerie de l'affaire Rochette. Il dit qu'au fond, les chefs républicains s'opposent comme des chiots dans une ferme. Et comme ils ne peuvent pas s'affronter sur des doctrines, puisqu'ils les partagent, ils s'affrontent sur des aspects purement personnels de leur activité. On sent dans ce petit livre à la fois un intérêt très vif pour ce monde parlementaire et en même temps la volonté de s'en distancier. Oui, je crois que c'est exactement ça. Barrès redevient député en 1906 après plusieurs échecs. Il a notamment trouvé, lorsqu'il s'est représenté à Nancy, plus antisémite que lui. Vous avez un document, Michel Limaric, une lettre apparemment inédite de Barrès à Zola. Nous sommes en 1896, le parti nationaliste, le parti boulangiste, son histoire est bien terminée. Barrès envoie en 1896 une lettre à Zola, alors qu'il vient de perdre une nouvelle fois les élections. Zola s'étonne de l'âpreté que Barrès met pour vouloir obtenir entrée au Parlement. Et Barrès lui répond, remarquez que je pourrais dire la même chose de vous, de vos candidatures académiques. On sait effectivement que Zola, un certain nombre de fois, s'est présenté en vain. Et en fait, ce que Barrès dit, c'est que la vie politique lui a donné le sens des réalités, des vérités, la compréhension de l'histoire. Il est très probable que ma raison d'être sera toujours d'être plus observateur qu'acteur. Si vous jugiez, d'après la situation singulière où je me suis trouvé, attaché à un parti vaincu, le parti boulangiste, et dans ce parti même isolé, je crois que vous constateriez que certaines de mes idées livresques qui ont été introduites, propagées au moins par mon effort ou par mon exemple, dans un milieu intellectuel prêt à l'action publique. Et ça va être précisément tout le développement, toute l'attitude que va avoir Barrès dans les années au tournant du siècle. Et en 1906, Barrès a une double consécration, de nouveau, peut-on dire. Il est élu à l'Académie française et il est élu dans le premier arrondissement de Paris, c'est l'arrondissement des Halles. Alors, c'est un député conservateur, il vote avec son camp, il déteste Clémenceau, il a des passes d'armes avec Jaurès. Il faut noter qu'il n'est pas un des grands députés, un des grands orateurs. Il a toujours la voix nasillarde, un peu d'accent lorrain. Son auctoritas, comme on disait autrefois, n'est pas une potestas. C'est-à-dire qu'il est écouté, mais il n'a pas une influence politique considérable. Et surtout, il est toujours dans cette position d'observateur, de voyeur. Quand il décrit ses séances à la Chambre, et qui sont très très bien rendues, il les parle en termes de corrida. Et donc on le voit, on voit les affrontements. Il a le goût du sang aussi hein, chez Barrès. Il aime bien le plaisir et la douleur réunis, et il les voit réunis dans toutes ces individualités qui viennent de toute la France. Il aimait beaucoup la tauromachie. La tauromachie. En voici un autre témoignage. C'est un extrait cette fois-ci, non pas d'un article public, mais de ses cahiers. C'est une lecture par Jean Topard qui remonte au 11 novembre 1967, tirée de l'émission de Pierre Cipriot, la fameuse émission de Pierre Cipriot dans ces années-là, Analyse spectrale de l'Occident. Sur les bancs socialistes, l'antique épicurisme, le monde, la vie couronnée de roses. Mais à ce courant épicurien éternel se mêle un courant chrétien, aimer les pauvres, dont il n'y a pas trace chez Épicure. De temps à autre, à une très grande profondeur, apparaît ici une note lointaine, une agitation de collégiens, ou plus loin, une poésie de nègres, une poésie de bruit et de gesticulation. Ils font battre leurs pupitres, ils se lèvent, tapage avec des mouvements simiesques, ils se pressent debout dans le bas de l'hémicycle, ils aimeraient danser et jouer des castagnettes. Nos législateurs sont devenus des bêtes. On rit autour de Coutan d'Ivry. Pourquoi donner à leur mouvement un sens historique, religieux? Ce sont des gens de la basoche. Non pas. J'ai raison de les transfigurer. Je vibre à tous les partis. Il reste en moi quelque chose d'essentiel de chacun des états d'esprit, de chacune des conceptions politiques. Je ne puis en laisser nier, humilier aucune. Dans ses relations avec les adversaires en particulier, il noue avec Jaurès des relations qui sont intéressantes. Il n'est pas obstinément partisan. Il le montre lorsque Jaurès est assassiné. Et il le montre même très tôt. Quand Jaurès a été battu, Barrès dit qu'il espère que Jaurès va pouvoir revenir à la Chambre en 1893. Dans les couloirs de l'Assemblée, l'on voit là, sans pour autant tomber dans l'expression « la République des camarades », mais il discute avec Jaurès. Il va, une fois que Jaurès a rendu un livre à la bibliothèque, il va demander le livre que Jaurès a lu. Et puis ils ont des discussions sur George Sand, par exemple, et il y a une véritable admiration pour Jaurès, un partage d'une grande culture, et également un partage peut-être de cette atmosphère que Jaurès aimait aussi, bien sûr. Sur l'ambivalence des relations avec Jaurès, je la trouve éclairée par un article du 22 janvier 1897 de Barrès. C'est le moment où il s'oppose à Jaurès. « Qu'avez-vous à répondre, Jaurès ? Il ne s'agit pas de murmurer avec dégoût « patriotard, patriotard ». Vous préféreriez que les faits de l'hérédité n'existassent pas, que le sang des hommes et le sol du pays n'agissent point, que les espèces s'accordassent et que les frontières disparussent. » C'est l'époque où on connaissait la vertu des imparfaits du subjonctif. « Que valent vos préférences, conclut Barrès, contre les nécessités ?» Fin de citation. Ses relations avec Léon Blum sont également excellentes, puisque Léon Blum lui rend visite. C'est la génération, une demi-génération après Barrès. Elles sont au début d'admiration mutuelle. Ensuite, les choses se tendent. Les choses se tendent et se perpétuent. Lors de l'affaire Dreyfus, Barrès donc refuse de signer l'adresse à Zola. Il écrit la protestation des intellectuels le 1er février 1898, qui marque la rupture de Barrès avec ces jeunes intellectuels qui marchent en rang serré derrière leurs professeurs. Et Blum lui écrit le jour même, non pas une lettre de rupture, mais pour continuer en fait leur amitié, car il y a une admiration de Blum pour Barrès, aussi une amitié. Et ces lettres qui sont aujourd'hui conservées, les lettres de Blum à Barrès, sont aujourd'hui disponibles, correspondance active, correspondance passive, voient les lettres se terminent par « votre ami ». Et ils continuent à s'envoyer leurs livres et à se voir quand même moins, parce que désormais, à partir de après l'affaire Dreyfus, Barrès n'est plus le maître à penser pour Blum. Oui, on est sensible au fait que Barrès fait l'éloge de Léon Blum comme l'éloge de Jaurès. Il écrit « L'un et l'autre élèvent le ton de l'apacherie ». C'est le moment où fleurit le mot apache. Le mot apache, oui. Et il élève le ton de l'apacherie et puis Et détourne continuellement la revendication brutale vers la culture. Ce sont des civilisateurs en même temps que des propagateurs de destruction. Ce sont des civilisateurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas des barbares. Alors là, on fait quelquefois une erreur sur le terme barbare. On croit que les barbares, ce sont les Allemands. Certes, Barrès qualifiera les Allemands de barbares pendant la guerre de 14-18. Vous faites allusion au livre qui s'appelle « Sous l'œil des barbares ».« Sous l'œil des barbares ». Mais en réalité, les barbares... Eh bien, les barbares, c'est tous ceux qui empêchent le nous-moi de se développer. Et ça peut être aussi bien les philistins, les bourgeois, mais Barrès n'est pas Flaubert. Ça peut être bien évidemment des ennemis de l'intérieur et des ennemis de l'extérieur. Vu d'aujourd'hui, cela ramène à la question de l'équilibre entre la sensibilité et l'intelligence. Débat de toujours, débat qu'illustre Jaurès en prétendant, en affirmant combiner les deux. Oui, Barrès est effectivement très intelligent, mais en même temps, il condamne dans cette lignée des anti-intellectualistes l'intelligence. Il dit à plusieurs reprises, l'intelligence, quelle petite chose à la surface de nous-mêmes. Alors, puisque nous considérons, Michel Lémary, dans cette émission, l'actualité de Maurice Barrès, ou la distance que nous éprouvons à son égard, il faut naturellement évoquer son rôle pendant la guerre de 1914-1918, moment décisif où, avec le recul, souvent il apparaît comme un chantre d'un nationalisme réitéré. De Gaulle disait que sa prime jeunesse envisageait sans horreur cette aventure inconnue que serait la guerre de 14-18, on retrouve des accents de même nature chez Maurice Barrès, la guerre comme source de régénérescence. Oui. Ce qui fait que, comme journaliste, il va apparaître comme... c'est Romain Rolland qui le désigne de la sorte, comme le rossignol du carnage, le littérateur de... Du territoire. Du territoire, ça c'est un mot du Canard enchaîné. Mais en même temps, cette période est intéressante parce que on le voit évoluer, en particulier en 1917. Évidemment, comme on a fait ensuite des anthologies impressionnantes, des propos des bourreurs de crâne, on peut trouver sous la plume de Barrès des formules qui sidèrent un peu rétrospectivement Michel Lémarie. Il est question des bonnes blessures, celles qui forgent l'âme du jeune combattant, des pièces de 75, vaillantes et charmantes collaboratrices, des tranchées qui ont quelque chose d'élégant et de plaisant, d'une jeunesse qui répand allègrement son sang. Il y a toute une série d'articles, mais de cette veine-là, d'une veine patriotarde, cocardière. Mais il y a aussi des articles qui prônent, et ce sont des articles assez fréquents, qui prônent l'union, l'amitié des tranchées. Et c'est dans cette continuité, très tôt perçue par Barrès, cette amitié, ce changement d'atmosphère, qu'il va écrire les diverses familles spirituelles de la France. Il faut tout de même donner à entendre celui qui peut apparaître comme le rossignol du carnage. Écoutez cet extrait d'une des chroniques de la Grande Guerre de Maurice Barrès. C'est un extrait de l'émission de Pierre Cipriot que je citais il y a un instant. L'homme et l'œuvre, Maurice Barrès, 29 septembre 1962. Les combattants, je le sais, se demandent constamment, chaque fois que la nécessité présente leur permet de penser, si le fruit de leur effort sera recueilli par le pays. Et nous qui sommes habitués à formuler une part de la pensée publique, nous sommes naturellement amenés à nous demander comment allons-nous tirer de cette grandiose expérience, de ce chaos, de cette catastrophe bienfaisante, les données générales que la France devra suivre pour trouver la santé quotidienne après s'être sauvée miraculeusement. Qu'adviendra-t-il en remplacement de ce qui est mort? Comment nous organiserons-nous? Je suis bien incapable de l'exprimer en phrases claires et nettes. 8 mois de guerre ont engendré chez des citoyens qui hier étaient des paysans, des ouvriers, des bourgeois, et que voilà soldats, les émotions les plus élevées et les plus profondes. 8 mois de guerre ont éveillé dans les âmes des parties qui somnolaient. Quand se pose chaque jour la question de vie ou de mort, les sentiments cessent de s'embrouiller et reprennent la place que leur assigne la nature. Les vertus essentielles d'où naît toute société réapparaissent. Quel grand sujet d'étude, les Français dans les tranchées. La France attend de nos soldats un double salut, sa réforme après sa revanche. Tous ces réservistes, tous ces territoriaux, tous ces combattants vont redevenir citoyens et comme tels, chacun d'eux, dans sa bourgade, fort de ses services, de son expérience et de sa gloire, parlera avec autorité souveraine. Ils le savent. C'est dans les services de l'armée, dans son état d'esprit, dans le génie qu'elle déploie à tout créer ou perfectionner, dans ses vertus enfin et ses improvisations, que l'on peut chercher à débrouiller les linéaments de ce que sera notre patrie après la guerre. J'ai grand espoir que nous garderons quelque chose de cette union et de cette amitié qui existe dans nos armées, quelque chose de ce sentiment héroïque qui est venu hausser notre idée du problème religieux. Quelque chose enfin de ce génie d'organisation qui a réapparu depuis 5 ou 6 mois pour notre salut et qui nous réapprend l'action coordonnée, subordonnée, aussi éloignée de la pédanterie bureaucratique que de la désinvolture et du caprice des isolés. L'amitié, la concorde, voilà ce que nous avons d'abord à admirer chez nos soldats, à essayer de fixer parmi nous. Michel Lémarie, quel est votre commentaire ? Bien, dès le premier jour de la guerre, Barrès devient le chantre de l'Union sacrée. Il écrit presque chaque jour un article dans l'Écho de Paris et il s'engage par la plume, lui qui ne s'engage pas par, bien évidemment, l'engagement physique. Et il va célébrer l'amitié, et ce mot est important, l'amitié des tranchées, la résurrection de la France. Il change, tout en gardant, à certains égards, un ton cocardier, dans nombre de ses articles, il change véritablement, il voit dans la France une vieille nation, et comment la guerre fait des hommes une fraternité. Il vante l'esprit d'égalité et de fraternité des tranchées. On voit donc toute la différence qu'il y avait avec le premier Barrès. Et je pense que cette leçon est notamment tirée dans les diverses familles spirituelles de la France, où il abandonne explicitement ses conceptions antisémites et qu'il revient donc à peut-être un certain Barrès antérieur. 1917 est une année, c'est l'année trouble, c'est l'année de l'inquiétude extrême du côté des politiques et des écrivains. On le voit évoluer, s'inquiéter peut-être pour la première fois, notamment dans ses cahiers qui sont parallèlement à ces articles, l'expression peut-être d'une inquiétude par rapport à cette position un peu durcie qu'il donne en public. On voit cette évolution se marquer. Oui, tout à fait. L'année 17, c'est l'année troupe des Poincaré. Barrès va lutter contre la rumeur infâme qui voulait que les prêtres ne soient pas envoyés, les aumôniers ne soient pas envoyés en première ligne. Les curés Sacodo. Les curés Sacodo, c'était quelques années auparavant. Il va surtout faire des campagnes contre la propagande pacifiste. Il va dénoncer Malvy, Caillaux, qui sont partisans d'une paix sans annexion ni indemnité. Il s'oppose au défaitisme révolutionnaire. « Quand arrêterez-vous cette canaille du bonnet rouge » dit-il. Malvy a laissé se constituer une presse pacifiste, et donc, bien évidemment, Barrès s'y oppose. Et Caillaux, d'ailleurs, est arrêté également. Les poursuites sont engagées. Oui, Barrès s'oppose aussi à Benoît XV, en quelque sorte, parce que Benoît XV voulait faire une paix blanche en 17, et les nationalistes, ou les patriotes, plus généralement, puisque là, on peut dire que Barrès est à la fois patriote et nationaliste, ou nationaliste et patriote, ne veulent pas de paix blanche. Mais dans le même temps, dans ses cahiers, qui sont encore une fois écrits pour lui-même à l'époque, il revient sur cette idée de mort joyeuse telle qu'elle avait été évoquée dans certains témoignages flamboyants de combattants, au moins en direction de l'arrière. Et il s'écrit « joyeusement, dit-il, à cette douceur, pourtant se mêle une amertume ». C'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, oui. Il écrit « je ne sais quoi de tendre, de triste et d'exalté palpite dans leurs lettres. Je vois qu'ils se sacrifient ». Je crois distinguer un murmure, on aurait pu éviter tout cela. Il y a dans cette génération un élément tragique. Légère évolution tout de même. Légère évolution et surtout ridicule et sentiment d'éloignement par rapport à ces phrases. Quand on voit aujourd'hui ce que sont les guerres, les frappes meurtrières sur des villes, on peut imaginer ce que devait être un tir d'artillerie par exemple, l'hécatombe qui s'en suivait. Quand il dit, par exemple, Barrès, « Les voilà donc de 75, leur tire mon coup de chapeau à ces braves pièces. Faut-il qu'elles soient rustiques et légères pour se tirer de cette boue effroyable, etc. Qu'ils sont beaux, nos défenseurs couverts de boue. » Ceci apparaît non seulement ridicule, mais terrible. Et c'est quelque chose qui nous touche davantage que ces cocoricots, c'est le sentiment qu'il y a un autre Barrès. De Gaulle l'a bien ressenti d'ailleurs. De Gaulle qui a beaucoup lu Barrès, qui a oui. lu tout de Barrès, on le voit par ses propres cahiers. Il écrit à Jean-Marie Domnac en décembre 1954. Domnac qui avait écrit pour Le Seuil un Barrès par lui-même. Toujours excellent. Il lui écrit qu'il a lu le texte avec soin. « Vous faites très bien voir, dit-il, et très bien sentir cette espèce de déchirement de l'âme. » Si l'on veut ce désespoir, il a souligné ce désespoir, qui m'ont toujours entraîné dans Barrès, qu'il a habillé d'une splendide désinvolture, c'est toujours De Gaulle qui parle, mais dont je ne crois pas que l'effet doive s'éteindre, parce que la décadence ne se confondra pas toujours avec la médiocrité. Fin de citation. Superbe lettre envoyée à Jean-Marie Domnac. Et puis, on pourrait trouver bien des points communs entre Barrès et De Gaulle. Et d'abord, tout simplement... Plus qu'avec Maurras, contrairement à ce qu'on a dit, ah oui. De Gaulle est très loin de Maurras. Très très loin de Maurras, mais en revanche, il est imprégné de Barrès. Pas du tout de l'antisémitisme, c'est une famille. Pas du tout non plus. Son mais père par croyait à l'innocence de Dreyfus. Oui, il y a la connaissance intime de la France. On parlait de Michelet tout à l'heure. Pour De Gaulle, bien évidemment, la France est une personne. Et il suffit de voir la première ligne. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison, c'est la première ligne de La Pente, les mémoires de guerre. Barrès écrivait dans ses cahiers, donner de la France une certaine idée, c'est nous permettre de jouer un certain rôle. Charles de Gaulle aurait pu la signer, D'ailleurs, peut-être l'a-t-il lu, et peut-être cette expression, une certaine idée de la France, vient-elle de là ? Sans doute, on peut le penser. En dépit de ces nuances, qui sont d'ailleurs surtout gardées pour lui-même, par Barrès, chantre du nationalisme de guerre, et en dépit de la publication de ce livre sur lequel vous insistez à si bon escient, Michel Lémarie, les familles spirituelles de la France, qui apportent tant de nuances par rapport à ses propos antérieurs, en dépit de tout cela, il apparaît, après la victoire, aux yeux des nouvelles générations, comme un archétype d'un monde qu'ils vont détester pour beaucoup d'entre eux. Et cette nouvelle génération, c'est en particulier celle des surréalistes et avant tout des dadaïstes. Il y a eu un moment qui reste fameux, qui est le procès que le monde de Dada, avec Tristan Tzara, avec Breton, avec Aragon, que ce procès public qu'ils intentent à Maurice Barrès. C'est évidemment une farce apparemment, mais c'est aussi un signe. Écoutez-en donc le récit par Philippe Soupeau. C'est un extrait de l'émission « Nos 400 coups » de Luc Bérimont sur France Inter, le 18 février 1964. Aragon et Breton ont eu une idée. Ils se sont dit, les manifestations genre musical, non, c'est fini. Et ils ont eu l'idée de faire le procès de Maurice Barrès. C'est-à-dire, le procès d'un auteur qui était très prestigieux et qui était passé du culte du moi, du jardin de Bérénice, au patriotisme le plus échevelé, président de la Ligue des Patriotes, et au chauvinisme exaspéré. Maurice Barrès était représenté par un mannequin, vous savez, le genre mannequin qu'on voit dans les boutiques de tailleurs. Et puis, Breton était en blouse blanche, comme un chirurgien, avec une calotte de prêtre, vous savez, je crois que ça s'appelle une barrette noire. Et les deux avocats, c'était Aragon et moi-même, qui avions aussi des barrettes, mais rouges. Et aussi des blouses blanches. Et Raymond Dessaigne était l'accusateur public. Il y avait des témoins aussi. Il y avait Drieu La Rochelle, il y avait Jacques Rigaud, et il y avait Tristan Tzara. Mais je dois vous dire que Tristan Tzara désapprouvait parfaitement cette manifestation parce qu'il trouvait que c'était trop littéraire. Tandis qu'Aragon, lui, y tenait beaucoup. Parce que je ne sais pas si vous savez qu'Aragon avait une admiration, je crois qu'il ne l'a pas renié, pour Maurice Barrès. Il avait reçu comme livre de prix, quand il était tout jeune, les morceaux choisis de Maurice Barrès, et il le raconte à plusieurs reprises. Maurice Barrès était pour lui un homme vraiment très important, un écrivain dont il avait subi l'influence. Et vous retrouvez quelquefois du barrésisme chez Aragon. Le procès a pu finir, et Barrès a été condamné à mort. Et naturellement, dans la presse, on en a beaucoup parlé, et même il y avait un grand titre en disant « Maurice Barrès condamné à mort », ce qui a fait vraiment beaucoup d'impression. Et je sais qu'on a dit à Maurice Barrès, vous savez, vous avez été condamné à mort par des jeunes gens. Il n'a pas tout à fait compris, mais enfin, ça l'a impressionné. Et au fond, c'est pas tout à fait faux, cette condamnation. Parce que, il faut pas oublier que Barrès, pendant pas mal de temps de sa vie, avait été considéré comme un prince de la jeunesse. Et tout à coup, une génération le jugeait avec une sévérité extrême. Et Barrès, qui était fin, avait compris cela. Barrès avait compris cela, Michel Lémarie, et dans le même temps, cela annonce le discrédit qui progressivement va entourer l'œuvre et la mémoire de Barrès, en dépit de fidélité et de l'influence qu'il exerce sur un bon nombre d'écrivains. D'abord, sur le procès des dadaïstes. Les deux figures majeures d'avant-guerre, c'est Barrès et France. Ils vont être attaqués l'un et l'autre. Barrès dans ce procès fictif qui est une farce. Hein. Anatole France. Donc, Breton déguisé en président, Soupeau le dit très bien. Aragon et Soupeau vont jouer les avocats. Et Drieu La Rochelle, dont on n'a pas parlé, qui est allé voir Barrès. Barrès a encouragé et a fait l'éloge d'un des premiers livres de Drieu, Interrogation. Drieu La Rochelle refuse la condamnation demandée par Breton. Mais surtout, l'admiration de Breton est grande envers Barrès. Un mois avant le procès, il lui dit, Bien plus que Gide, il est possédé du tourment de ne pas se restreindre. Nous n'avons jamais désespéré de lui, même pendant la guerre de 1914. Quant à Aragon... Tous les deux ont fait la guerre, Breton et Aragon. Tout à fait. Quant à Aragon, il écrit à Barrès, « Monsieur, j'ai passé ma vie, c'est en 23, c'est deux ans après le fameux procès. » Juste avant la mort de Barrès. Juste avant la mort de Barrès. « J'ai passé ma vie à me retenir d'aller vous voir. Je me défiais de vous à cause du rôle louche que vous avez joué dans mon adolescence et un peu au-delà. » Il sollicite Barrès pour une intervention, pour un rendez-vous. Et enfin, Barrès lui accorde le rendez-vous quelques jours après. En réponse, il lui demande un article de 200 lignes, de 200 lignes pour un journal, et conclut « Je suis songé tellement plus désinvolte que cela ». Donc on retient une opposition entre les surréalistes, en Breton, Aragon. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et pour Aragon, on le voit tout au long de sa vie parler de Barrès et se proclamer lui aussi barésien dans ce texte de 1948 des Lettres françaises, c'est la lumière de Stendhal. Et aussi l'idée qu'il annonce ce qui sera le réalisme socialiste. Parce que c'est le premier, un des premiers, dit Aragon, qui a su tirer de l'immédiat des événements politiques la matière d'un roman contemporain. Et de cela, il fait l'éloge. Notamment la trilogie de l'énergie, les romans de l'énergie nationale, pour Aragon, ce sont les premiers romans politiques. C'est au-delà d'Aragon et de Breton. Pour des générations successives, pour des gens qui l'ont connu, Barrès représente une pierre de touche. C'est vrai pour Monterland. Monterland, au lendemain de sa mort, dit « Barrès s'éloigne ». Et puis... Il les fond en larmes, d'ailleurs. Il explique qu'il a, il larmes, explique, non sans quelques narcissismes, dans un article qui n'a pas cessé de pleurer pendant trois jours. Je crois qu'il faut garder aussi les réflexions d'André Malraux, qui disait « Pour notre génération, pour sa génération, il était le plus grand écrivain ». Avec des critiques néanmoins qui sont intéressantes, Barrès ne s'est pas engagé, il n'a pas participé à l'histoire. Barrès était caporal en politique, alors que dans le domaine de la littérature, il était général. Qui veut accéder aujourd'hui à l'œuvre de Maurice Barrès commodément peut se reporter à l'édition de la collection Bouquins chez Robert Laffont, qui remonte déjà à 1994, mais qui rassemble... en un seul volume, ses romans et ses voyages. Vous avez consacré des travaux à Albert Thibaudet, personnage dont on retrouve l'importance, à la fois pour ses études littéraires et pour ses études politiques. La République des professeurs, un livre majeur, a été réédité avec une préface de vous chez Hachette en 2006. Et on attend une réédition prochaine, toujours au CNRS édition, de votre biographie de Thibaudet. Vous retrouverez une bibliographie plus complète encore sur notre site, vous le savez, avec la référence des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter, télécharger cette émission, la conserver pour longtemps, je vous y engage, de façon instante. Samedi prochain, nous parlerons en direct du musée d'Orsay, où se tient une belle exposition sur le Second Empire. Nous parlerons du Second Empire, le bonapartisme en héritage. Ce sera une émission en public. Je recevrai Jean Garrigue. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le concours de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier. Pierre Monteil était à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Clary Monac nous a aidés pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.